Comment tombe un gouvernement? Bill, s'écrie mon chef de communication. La première ministre s'apprête à parler. Oh, la voilà. La chienne, la gueuse. Elle va capituler. Gros plan, je tonne triomphalement. Je veux la voir suer. Le centre des commandes trépide par ma puissance. C'est ma salle de guerre. Ground Zero. Le début et la fin. L'alpha et l'oméga. Au cœur de l'arcologie, un amphithéâtre où brillent 1000 écrans holoprojetés, formant une sphère de lumière et d'information pure. Exact. Un mariage de réalité augmentée. L'intersection entre le film médiatique et le noise audio d'un milliard de sources à la microseconde. Autour de moi, une centaine d'analystes comme tech s'affairent sur leur console, avec une cabale d'économistes, d'avocats, d'anciens militaires. Ils fourmillent, gueulent, codent, astiquent les nerfs numériques de l'infosphère pour assurer ma volonté. À l'épicentre, je pivote sur ma chaise capitonnée, cernée par les terminaux exécutifs du centre des commandes. Je règne d'une fièvre divine. Je brûle d'ingéniosité. Je suis le maestro du pouvoir corporatif. Le tatouage de l'Anchea est inscrit dans mes synapses. Le fer de lance, la fine pointe qui tranche et pardonne pas. Je jubile, je jouis, je règne dans toute ma suprématie. Ton maquetto, annonce soudainement Katia. Dans un tailleur gris, dernier cri. Ma secrétaire dépose la tasse fumante près des autres tasses vides, se penche, m'offre une vue absolument vertigineuse. Bof, j'en ai rien à foutre. Même quand la chemise de soie s'écarte lâchement sur son décolleté, ouvrant les rideaux sur une dentelle écarlate. L'information s'enregistre quelque part, certainement. Mais j'aurai plus jamais Dieu pour une chair si vulgaire. Mes appétits ont transcendé la condition humaine. Tout est là. L'événement K se déchaîne sur 1000 écrans. Les fractales s'embriquant d'une beauté à pleurer. La bourse de Berlin s'effondre, entraînant toute l'Europe avec elle. Puis Rio, New York. Des vestons-cravates se tirent par la fenêtre. La Banque mondiale frissonne. Le Fonds monétaire international éternue. Plus bas, ça se piétine. Les épiceries se vident. Les boutiques d'armes aussi. La joie. Puis, comme toujours, Toronto, notre cousin attardé, hurle avant le crash. Nous appelle à l'aide. À l'aide. Vraiment. Un tsunami se lève depuis 3 siècles de société industrielle. Chaque goutte, une devise étrangère. Chaque vague, une contraction. Et une armée de psychopathes à mon image laboure le corail. Racle le sous-sol jusqu'à propulser des courants marins impossibles à contrecarrer. L'événement K va tout arracher sur son passage. Sauf pour ce qui est préparé, qui a vu venir la tempête. Mon empire sera éternel. Compatriotes, commence la première ministre. Son visage immédiatement élargi, projeté du haut de 10 mètres dans le centre des commandes. Derrière elle, le Parlement. Ses pierres effritées, un ciel gris, le drapeau bleu et blanc en berne. On voit toutes ces rides, ces grains de beauté, sa laide mortalité. Une bourrasque souffle dans le micro. Pathétique. Je me présente devant vous, prononce la première ministre. Avec un message d'espoir. D'espoir et de courage. Un grand défi s'érige à l'horizon. Mais n'oublions jamais notre histoire. Dans l'adversité, la nation a toujours su prévaloir, avec force, détermination, fraternité. Une bonne oratrice. Vrai. Quoique c'est son seul talent. J'aime bien ce petit air d'amertume, ce trémolo, ce soupçon d'indignation. On y croirait. La bonne gouvernance, poursuit la première ministre, est l'engagement, le pilier même de notre démocratie. Face aux intempéries du marché mondial et à une conjecture réactualisée aux réalités d'aujourd'hui, la législature a convenu d'un plan d'urgence visant à protéger l'intégrité sociale, économique et environnementale de notre territoire. Voilà comment tombe un gouvernement. Pas de guillotine, pas de chanson folk. La vitesse, c'est le secret. La rapidité de la machine sur l'humain, cette vitesse laissera les imbéciles dans la poussière. Quand ils réaliseront que tout ce paquet de buzzwords, cet écran de fumée, cache en fait le démantèlement de l'État, la mort officielle de la démocratie et la prise de contrôle absolue d'un conglomérat d'oligarques, avec votre hôte à la tête du nouvel empire consolidé. Une transition éclair, efficace. Et quand ce sera fait, tout un chacun aura un choix à faire. Me suivre ou les camps de travail, me suivre ou la cage en tôle, me suivre ou la fosse commune. Ce n'est toutefois qu'ensemble, en travaillant conjointement, que nous pourrons veiller à la prospérité et au développement de la nation. Un seul geste de la main suffit pour éteindre le discours et renvoyer la projection dans les méandres de l'infosphère. Prospérité, j'entrecoupe. Gouvernance, bla bla bla. Une centaine d'experts en chemise-cravate me regardent, selon toute apparence distraits, voire bousculés par mon interruption. Je prends une seconde pour les confronter. Leur conditionnement technologique est mis à l'épreuve, c'est évident. Mais ce sont des professionnels, des winners. J'ai confiance. Qu'un seul lève le doigt, je lui arrache le bras. « Allez !» Je gueule. « C'est le moment. Vous connaissez le protocole. Le vrai travail commence. » Je suis le fer de lance. Allez, je répète, on va mettre de l'ordre ici, une fois pour toutes.